garçon, madame, on sait tu veux 6 la tête poisson. Bien décidé pour lui passer mauvaise journée. A entendre dire, mi veut ceci, mi veut cela. Prends son loto, direction ce même matin. Devant Carrefour, Rodin, ce ton prend un saillot. A peine rentré, direction la poissonnerie. Bonjour messieurs, mon madame, il veut 6 la tête poisson. 6 la tête poisson, madame, allez 6 la tête poisson. 6 la tête poisson, dansons doucement, allons pas trop vite. 6 la tête poisson, madame, allez 6 la tête poisson. 6 la tête poisson, dansons doucement, à balles. 6 la tête poisson, madame, allez 6 la tête poisson. 6 la tête poisson, dansons doucement, allons pas trop vite. 6 la tête poisson, madame, allez 6 la tête poisson. 6 la tête poisson, dansons doucement, à balles. Madame, il s'a baigné. À la ligue, faut-il bien zécaille, il rappe la langue. Tension, m'y trouve encore, heureusement, on va gagner. Ma petite fée, mon nez est pas loin monté. Quand il arrive, senti fait son figuier écrasé. Mais dit bon, n'y est pas, madame, assise dans le canapé. Quand sera prêt, va crier à toi, va n'y goûter. 6 la tête poisson, madame, allez 6 la tête poisson. 6 la tête poisson, dansons doucement, allons pas trop vite. 6 la tête poisson, madame, allez 6 la tête poisson. 6 la tête poisson, dansons doucement, à balles. 6 la tête poisson, madame, allez 6 la tête poisson. 6 la tête poisson, dansons doucement, allons pas trop vite. 6 la tête poisson, madame, allez 6 la tête poisson.